Il est dans la foule, elle cherche un rêveur. Partout tout le monde bouge en sueur. Et elle y pense encore, encore, encore. Alors elle danse encore, encore. Elle marche dans la rue, marche depuis des heures. Comme elle s'est perdue, elle pleure. Et elle y pense encore, encore, encore. Alors elle danse encore, encore, encore. Oh, oh, oh. Oh bébé, oh, oh, oh, oh. Oh bébé, oh, oh, oh, oh, oh. Chez elle, elle est nue, répondant des heures.